23h01, tout de suite l'émission Aluminium. Aluminium, bien sûr, en direct sur Galaxy avec Jérémy, Hubert, Olivier Curtis, moi-même avec tous les autres DJ de la radio qui sont encore dans les couloirs du studio. Ouais. Est-ce que je pourrais faire une petite dédicace? Vas-y mon grand, je te laisse le micro. Je sais qu'on nous écoute en Belgique, c'est pas nouveau, hein, on nous a toujours écouté en Belgique, hein, c'est pas un problème. Exact. Mais là on a des gens qui nous écoutent depuis un certain temps, notamment longuement depuis l'anniversaire de la radio. C'est vrai. On nous écoute à Neschin précisément. C'est loin. Neschin, c'est bon, c'est pas très loin encore. Non, mais je sais. On nous écoute à Neschin, c'est pas nouveau évidemment. Il y a certainement d'autres personnes qui nous écoutent. Ouais. Mais je sais qu'il y a des gens qui se sont branchés à Neschin spécialement pour l'anniversaire de la radio. Et on espère qu'ils vont d'ailleurs accrocher à la radio et puis continuer. Ils accrochent, t'inquiète pas, j'ai mes sources. Bon, bah c'est bien. D'ailleurs, si les gens sont satisfaits un petit peu de ce qui se passe à la radio en ce moment, notamment le direct, l'antenne, bien sûr, eh bien qu'ils n'hésitent surtout pas à nous envoyer des messages par email, bien sûr, pour arroser littéralement la boîte aux lettres de Galaxy. Oui. Et surtout, appelez-nous de l'autre côté de la planète, ça me ferait bien plaisir. Voilà, ça c'est pour le martien Hubert qui nous écoute en ce moment. Allez, n'oubliez pas donc de nous arroser par vos emails info@galaxyfm.com. HS, bien sûr, est toujours là. Bordel, ce il va s'arroser tout seul aussi, lui. Ouais, non, mais carrément, m'arrosez pas, hein, pas de pétard dans les suites de la radio. Bon, le programme, justement, ça va être très simple. Hein, il y aura un petit peu tout le monde, puis bien sûr, quelques canulars de la radio poubelle, et puis on appellera aussi quelques personnes, hein, histoire de délire un petit peu. Bien sûr. Et puis, bien sûr, on passera les gens sur antenne, n'est-ce pas, mon petit Jérémy? Et puis Myriam qui va arriver dans quelques minutes, et chauffez-vous. Qui est Myriam? Myriam, on va découvrir ça dans quelques minutes, Olivier Hubert. Okay. Pas de problème, on la connaît une pas. Une fan d'Adze Villa. Ah oui. C'est bien, c'est excellent, une fan d'Adze Villa. C'est pas n'importe qui. Hein. Non, surtout que ça rappelle pas mal de bons souvenirs à pas mal de gens, justement. Et si les Panthères nous écoutent, j'aimerais bien pouvoir les rencontrer aussi pour l'anniversaire de la radio. Est-ce que vous connaissez les Panthères? C'est les femmes Panthères, celles qui sont habillées. C'est la mère et la sœur. Oui. Non, la mère et la fille. La mère et la fille, oui. Ah oui, j'ai connu ça, j'ai vu. N'importe quoi. Il y a une petite différence d'âge quand même entre les deux. Hein. Ouais. Mais à l'époque, la fille était pas trop mal, mais je pense qu'elle a dû vieillir un petit peu. Bon, et t'es certain que là, elles vont venir. Avec tous ces compliments, elles sont déjà arrivées. Elles sont venues au podium Galaxy, je les ai vues. Hein. Ouais, mais c'était il y a 50 ans, ça. Oui, mais non, mais je les ai vues aussi. Elles ont vieilli. Je les ai vues sur Canal, les podiums de certaines radios que je ne citerai pas. Bon, allez, on s'écoute un autre souvenir avant de prendre les premières personnes sur antenne, libre antenne justement sur Galaxy jusqu'à 23h, bien sûr. N'hésitez pas à nous appeler. Bien sûr, numéro de téléphone. 03 20 83 57 57, 03 20 83 57 57, et l'indicatif pour l'étranger, Jeremiah. 00333, on a un auditeur de la Martinique qui arrive dans quelques secondes. Oh, je l'attends de pied ferme. On va prendre la température là-bas. Allez, bonsoir, la suite avec CG Boland, Sugar & Sweeter sur Galaxy. Galaxy, tu t'en souviens? Écoute. Écoute. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Avec un instant Tic West, un gros souvenir. Hein. Jupiter. Voilà, exactement. C'était un... Il y avait eu un pressage limité de 500 copies, si j'ai bon mémoire. Moi, je me souviens du mien. Hein. On l'avait. Combien d'exemplaires 500 copies, ça pour le premier tirage. Ouais. Et puis après, il y a eu le deuxième qui est sorti en double maxi vinyle. D'ailleurs, je l'avais acheté à Decca Records. Ah, à l'époque. Hey ils sont là en plus. Hein. Ils oui, sont là. Ils sont vous pouvez remarquer qu'il est. Pratiquement 11h15 et il y a toujours autant de monde. Hein. Ouais, exactement. Bon, nous avons quelqu'un en ligne qui est juste derrière nous. Il va se connecter à l'antenne Galaxy. Voilà, il est connecté. Les effets spéciaux de la mort. Non, mais attends, ça, c'est attends. Des effets spéciaux. Ah, bien sûr, bien sûr. Ça en rigole plus, quand on entend, quand ils vont. Oh, il y a un petit Larsen. Et un autre effet spécial. Voilà, c'est notre effet spécial. Et c'est Myriam qui vient de se connecter et qui veut nous parler. Myriam, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Myriam. Tu nous appelles d'où? Bon anniversaire. Je vous appelle de Lille. De Lille. Très bien. Oui. Ok. Et tu nous écoutes à travers le net ou non, par la FM? Dans ma voiture, par la radio. Super. Et quand je quitte le département, par ouais. Internet, oui. D'accord. Ah, okay. Tu t'en vas où exactement? Bah écoutez, je tu t'en vas me rejoindre peut-être. Oh, j'aimerais beaucoup, oui. Délirer avec vous sur l'antenne. Ouais, oh, mais nous, on fait que ça de délirer. Ouais, ouais. En plus, non, mais en fait, tu t'en vas où exactement? Dans le Pas-de-Calais, je sais pas. Non, en région parisienne. Ah, d'accord. Région parisienne. Eh ben, en tout cas, on te souhaite une bonne route et puis sois prudente sur la route et t'inquiète pas, on raccroche pas. T'as encore plein de choses à nous dire. Ouais. Oui. Notamment sur At The Villa. Oui, voilà. Donc, en fait, je vous écoute depuis le week-end passé. Donc, oui. J'ai entendu que vous fêtiez vos 25 ans. Je l'ignorais que la radio existait depuis autant de temps. Moi, je vous connais depuis une dizaine d'années. En fait, ça fait peut-être 15 ans maintenant, à partir du même moment où... Quel est ton âge? Quel est ton âge? 33 ans. Ah, l'âge. Et j'aimerais bien te poser une question, mais je sais pas si je devrais le faire. Bah, ça dépend. Ce que je sais, c'est qu'il faut peut-être pas la poser. Ouais. Non, mais attention, moi j'aimerais bien, mais il y a des gens qui me disent non, mais attention, si Hubert pose une question, on le whiz. C'est toujours indiscret. Ah, pas de whiz. On se soirée sur MSN là. On passe ses soirées sur MSN, Guillaume. C'est faux, archi faux. Moi je connais un autre qui les connaît. Bon, excuse-moi de t'avoir coupé, Myriam. Myriam, 33 ans. On t'écoute. Oui. Qu'est-ce que tu as vraiment à nous Sois dire prudente. En fait En plus, t'es au volant là, c'est interdit. Non, t'es arrêté. Un petit souvenir. Interdit. Un petit souvenir, puisqu'on a passé, Myriam, une petite soirée ensemble avec At The Villa, le son d'At The Villa. Oui. T'as une petite anecdote sur ce club Oui. Sur ce club, écoutez, un petit clin d'œil à faire. La première fois que j'y suis allée, j'avais 16 ans, j'étais un peu réfractaire à la techno. C'est mon cousin qui m'a dit vas-y, viens, tu vas voir, c'est vachement sympa. Et à partir du moment où j'y suis allée, ne vous moquez pas de moi, c'est comme si j'étais droguée sans avoir rien pris. T'es en transe. Carrément, j'ai adoré cette musique. Toute la semaine, j'avais hâte que les jours passent pour arriver le samedi, parce que ça n'ouvrait que le samedi soir pour me préparer à aller là-bas. J'étais complètement accro, j'ai adoré ce club. Quand il a brûlé, de là le fameux slogan qu'on avait à l'époque de elle te prend la tête, c'est la vérité. J'étais à fond dedans, comme une toxicomane qui avait besoin de sa dose. À ce point-là, sauf que tu n'étais pas une toxicomane. Effrayant, j'ai adoré. Mais si, c'était une tox de galaxie et de l'âge de zoo. De bonne musique, une tox de bonne musique en fait. Une tox de galaxie de l'âge de zoo. De la vie à l'âge de zoo, j'aime moins. Puis donc les temps changent, c'est plus vraiment la même chose. Mais cette époque, les années passent. Hein, je la regrette un peu parce que franchement, ça a été les meilleures années de ma vie. Bon, au niveau de ma jeunesse, c'est sorti, je les revivrai, je donnerai n'importe quoi pour les revivre. C'est vrai. C'était génial. C'est que tu as eu une bonne jeunesse. Il y en a qui diraient le contraire, par exemple. Ouais. Pardon ? Il y en a qui diraient le contraire. Si toi, tu dis je voudrais bien revenir en arrière, c'est que quelque part t'as vécu une belle jeunesse. Oui. Bon, maintenant les années passent, je suis mariée. Bah, c'est pareil pour tout le monde. Hein. C'est pareil pour tout le monde. Donc tu sors plus. Il y a Olivier qui voulait demander la couleur de ton string. Alors écoutez, il est blanc avec des petites fleurs roses. Ça c'est sympa. Bon, alors là j'interviens, excusez-moi d'intervenir. C'est des questions indirectes en fait. Non, mais là, là quand même. Vous savez que je porte un string. En général, les filles portent des strings. Ah oui, Olivier, petit coquin. Oh là là là là. Bon, dans mes pensées, en fait. Bon, Myriam, merci de ton appel. Écoutez, c'est moi. Et ça nous a fait extrêmement plaisir. De passer à l'antenne et puis continuer comme ça. Je vous aime beaucoup. Et nous aussi, on t'aime. Et puis, sois prudente sur la route. Merci à vous. Merci à toi. Bonne soirée. À bientôt. Bon anniversaire. Au revoir. Salut. Bisous. À très bientôt, Myriam. Ça fait plaisir. Olivier, t'es vraiment culotté, c'est le cas de le dire. En tout cas, elle est super cool, Myriam. Super sympa. Ça, c'est une auditrice type de la radio. Voilà, exactement. En plus, qui a très très bien veillé, apparemment, vu qu'elle écoute encore Galaxy, c'est bien. Et je crois chier, Olivier, de demander la couleur du string. La prochaine fois, je ne demanderai plus. Hein. Une ça fois, sent, mais pas deux. Hein. Ça sent la choumette. Olivier, j'ai eu peur, ça sent la choumette. Allez, souvenez-vous, justement, La Villa, c'était aussi avec Total Groove, souvenir de 1993. Mental Poison, non, c'est pas ça ? À Zurgun. Zurgun, d'accord. One of the game. Galaxy avec l'instant Cyber Trends. C'était Blue Alphabet. Oh là là là là. Ah, c'était terrible. Ah, mythique. Ça elle était cool. Ça l'auditrice de tout à l'heure. J'espère qu'elle nous écoute encore. Je te fais de gros bisous. La pizza arrive. La pizza arrive. La pizza. Bon, alors. À mon avis, je vais me la prendre en pleine figure, la pizza. Ah là là, Choumette garantie. Bon, on va se peut-être appeler un DJ de la radio. On va pas dire son nom parce que là, secret. C'est un peu trop facile. Bah ouais, s'il nous écoute, on est grillé. Voilà, exactement. Alors, qui est-il? On va le savoir d'ici quelques secondes. Je vous laisse un petit peu me le dire, messieurs. Je m'éclipse du côté de mon téléphone magique. Je prends mon petit carton. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos messages sur la boîte de Galaxy 0870 245 603. 0, ça me fait marrer parce que j'ai toujours pas enregistré le numéro. 0870 245 603. Et puis le site internet, toujours nouveau site depuis lundi, www.galaxyfm.com. Avec la radio en direct sur live.galaxyfm.com. Vous êtes prêts? Ouais, on est prêts, chaud comme la braise. Attends, allez, c'est parti. On appelle qui déjà? Surprise. Surprise. Ouais. En train de niquer sa meuf. Voyons, voyons. Un peu de discipline. C'est Olivier, c'est pas moi. Ah, on va tomber sur le répondeur là, je pense. Non, non, non. C'est le fixe. Hein. Oh, il y a un rond. Ah, c'est le fixe. C'est petit Larsen. Hein. Donc là, il se lève en pyjama. Et non, et là, il se retire. Non, il termine. Ah, il termine. Bien remonté là. Bien remonté. Il termine. Ah, parce que. Allez, encore deux, trois petits coups, et puis. Ouais. Bah, allez, je vais quand même aller décrocher parce que ça insiste vulgairement. Il va le finir ou pas? Mais t'as peu de musique quand même. Si c'était la valise, il avait perdu. C'est un vase galaxie. Bon, bah écoute, pour l'instant, notre ami dort. Eh bah oui, ton plan est foireux, t'as pas quelqu'un d'autre? Bah non, on va appeler sur son portable directement. Ouais, on va tester. Ouais, mais enfin, si en train de. Vas-y, vas-y, teste le portable. On va tester le portable. Teste le portable. Hein, la vie, moi, j'arrêterai pas. Hein. Ah, si, si, si. Si, teste le portable. Ah, super morceau. Alors, encore plein de rendez-vous concernant l'anniversaire de Galaxy. Je vous rappelle donc demain, vous aurez l'occasion de retrouver les mix de Franck Biazzi, de Manu, de Joanne. Et non, c'est samedi ça. C'est, demain, c'est Didier HS is back. Ah, Didier HS is back. Enfin, s'il rentre très bien chez lui, parce que là, il était mal barré la soirée. Si, il rentrera. Ouais, bon. Donc, et samedi, rendez-vous à ne pas manquer, Franck Biazzi, Manu et Joanne en mix. Et puis l'après-midi, qu'est-ce que tu fais samedi après-midi? Samedi après-midi, le up and down. Power dance. Tu vas nous passer. Surprise. On verra 50 titres les plus explosifs de l'année 91, 92, 93 par là, hein, ces années-là. Ouais. Avec des petites surprises, des petites perles également. Et n'oubliez pas évidemment le samedi soir, encore à ne pas manquer. Avec les pizzas sont là, on arrête, on se barre. Le spécial Bézu. Voilà, avec plein de rendez-vous importants, plein de bons souvenirs. Il y aura notamment Bézu, il y aura également... Et puis il y aura des pizzas. Ah, voilà. Ça sent bon. Allez, c'est parti. Il y aura plein de monde. T'as le portable? Nouveau laissé, portable. Bon. Ça va sonner. Il sera bien vénère là, je pense. On appelle qui? Chut, sur Mystère. Surprise. C'est l'invité. Et boule de gomme. L'invité Mystère. On va rien dire pour l'instant. Bon, il va répondre ou quoi? Hello? Oui, et pourquoi? Ouais, salut, c'est Silver. Salut Silver, c'est le répondeur. On va lui laisser un message. Après votre message, vous pourrez le modifier en tapant 1. Allez, allô Silver. Silver, tu nous entends? Silver. C'est toute l'équipe de Galaxy. Je vous ai dit que Silver était occupé. Silver? Silver, on t'aime. Silver, la bûche, ça vous rappelle quelque chose? Silver 1994, ça vous rappelle quelque chose? Moi, ouais. Ah ouais. Mais Silver. Hey Silver. Silver, on peut lui laisser un petit message. Oui, mais il va pas te répondre. Hein. Non, mais là, de toute façon, c'est un petit message. Donc, voilà, c'était en fait l'équipe de Galaxy. On était en direct sur Galaxy avec Jérémy Hubert, Olivier Curtis, toute la team derrière, l'équipe d'IK Records, Nathalie Anne Sophie, il y avait aussi Mickaël H. Et tout le monde. Ça, c'était pour te souhaiter un joyeux anniversaire pour Galaxy, vu que tu fais partie de l'équipe. Un petit peu le bordel. Ouais, un petit message. Voilà. J'aime ça, bien quand c'est le bordel. Direct. Bon, bah écoute, Sylvain, ouais, à bientôt. Ouais, voilà, mais toi, casse-toi, on va pas te voir. Voilà, il y a juste pizza, Miguel, micro, hein, voilà, il y a juste Miguel le micro. Bon, allez, bon, on va se régaler un petit peu, qu'est-ce que vous en dites? On va manger, casser la croûte. Une petite pause et après, on fait gagner des compilations pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui sont encore debout. Hein. Et au niveau des répondeurs, ça se passe bien? Ça se passe nickel, 08 70 245 603. Et puis toi, tu connais tes devoirs et ta leçon aussi. Et le numéro du studio, 0380 83 57 57 pour passer à l'antenne. Je connais par cœur. Bien sûr, le même depuis 25 ans. Si les gens sont sympas, c'est le même numéro depuis 25 ans. Vous vous rendez compte? Aucun problème. Vous nous appelez 0380 83 57 57. Je te promets, c'est le même. Avant, c'était 83 57 57. Maintenant, c'est 03 20 83 57. Un petit casse-dalle, un petit casse-dalle. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, balance. We'll be right back. Galaxy avec à l'instant Eternal Light, c'était Microwave. On revient d'ici quelques minutes, histoire d'avoir englouti quelques pizzas, n'est-ce pas mon beau Hubert, hein? Ah bah moi j'ai fini déjà. Ah bah écoute, moi je vais retourner et rafler d'autre part. Tout de suite on vous diffuse une petite publicité qui avait été faite il y a bien longtemps par notre ami Philippe Donte, qui sera d'ailleurs demain soir en direct avec nous pour l'émission 21h-23h, en direct live bien sûr. Souvenez-vous, l'Odéon, c'était aussi cette petite publicité. Ah, pizza. Yes. Il fait froid, très froid, et les mots n'ont plus de sens, les images plus de forme. La dernière nuit de cette année 91 tombe, et j'ai envie de vivre, danser et chanter. L'Odéon est comme une planète qui scintille de mille feux. Ce soir, la fête sera réussie, et peut-être, peut-être au petit matin, rentreras-tu avec moi, afin que la morsure de mes lèvres te donne à toi aussi l'envie de ne plus voir la terre. Je te retrouverai près du bar, et dès les 12 coups, nous nous embrasserons sous une avalanche de cotillons et de serpentins. Mille et une surprises te surprendront tout au long de la nuit, afin que jusqu'au petit matin, ce voyage intersidéral te dépose doucement après un petit déjeuner lunaire au seuil de cette année nouvelle que je te souhaite galactique. À ce soir, près du bar, je serai là. mais j'en veux plus. C'était Digitaurore à l'instant sur Galaxy avec le titre Miracle, la version originale. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui veut faire un petit row pour dire merci pizza? Non. Non. Bah écoute, je viens de le faire à l'instant. Hors antenne, c'est mieux quand même. J'en ai un tout petit là. Ah, ah c'est pas moi, hein, c'est pas marqué dessus. Sinon, moi je wheeze. Hein, je... Ah. Non, non, non. M'écœurer. Ça, c'est Jérémy qui vous voulez entendre. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont dire Hubert, quel gros crado. Et en fait, c'est même pas moi. Ah là, je wheeze partout là. Non, mais attendez, vous croyez où? On est sur une radio libre antenne, non? Bon, allez, qu'est-ce que vous dites de faire gagner un petit. Un kit Willy ou des CD? Parce que, attends, on a des Willy, ouais. On a un des CD là. Tout à l'heure qu'on a eu par Yannick. I Love Tuning? Oui, voilà, I Love Tuning. Et si il y a des gens qui veulent encore des cadeaux, ben vous nous appelez, voilà, avec une jolie pochette que Michael Forza kiffe à mort. Yes. Avec qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure en fait? Non mais vas-y, il y a ta copine qui écoute, hein. Non, tu dis rien? Si tu veux on peut traduire, hein, y a pas de problème, je suis là pour ça. I Love Tuning, la compilation avec 20 hits jumped art style. Si vous arrivez, bon, on va pas être trop 20e de World, voilà, où on joue autour de la métropole. Ça appelle déjà. In the World ou autour de la métropole? Ah, in the World. Ah bah, tant qu'à faire. In the World. 20e, ce sera rapide, efficace. 20e appel, et on le direct à efficace, ce sera nickel. 03 20 83 57 57, 20e appel. Ah. Pour vous, 20e appel, non, pas d'accord. Comment ça? Combien? Non, pas d'accord, 50e. 50e, bon, 50e. Allez, on fait 50. Allez, soyons fous, 50e appel, 0320. 83 57 57, on vous souhaite bonne chance pour le jeu. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Galaxy. Happy birthday to you. Excellent, excellent. T'as pas eu le temps d'en placer une là, hein. Non, là je subis, j'ai juste maîtrisé les niveaux en fait. Parce que là, les aigus, elles sont bien. Il y a des compresseurs pour ça, hein. Ah ouais, mais quand c'est sur flat, ça marche. Parle-en à Jean-Pierre, tu verras, il va t'expliquer comment ça fonctionne. On va voir tout ça demain. Okay. Bon, on a eu notre gagnant, il s'appelle Willy de Roubaix. Et Willy là, oui, Willy. C'est pas Willy le Père Noël. Ah, ce n'est pas notre Willy à nous, de toute la galaxie, mais Willy de Roubaix. Et apparemment, il a raccroché, il a pas osé passer sur antenne d'après ce que j'ai entendu. Un peu timide et tout, mais bon, on l'aurait mis à l'aise, hein, bien sûr, hein, vous nous connaissez. D'accord. Mais bon, ça sera pour les prochains, demain par exemple. Yes. Et rendez-vous entre 17h et 19h pour l'animation, et puis, bien sûr, toute la journée, forcément. Et puis, entre 21h et 23h du direct avec des passages de Boris, notamment. Philippe, demain, on a 4 heures d'antenne pour foutre le bordel. Ouais. Exactement. Ça, c'est trop cool. Entre la rétro de Digistorm qu'il nous prépare d'ailleurs dès ce soir. Il s'est replongé dans les disques, littéralement, et nous promet beaucoup de choses très intéressantes. Ça, ce sera entre 19h et 21h, l'émission Cyclone. Cyclone. Cyclone. Tu le fais bien. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Ça te rappelle un jingle. Bon, ouais, voilà. Olivier, on te remercie encore une fois de ta venue. Tu nous rejoins demain? Je reviens demain. Ah, demain, tu te démerdes. T'as carrément le maîtrise total de la radio demain. Excellent. Maîtrise totale de la radio demain pour Olivier. Hein. Là, franchement. T'as pas intérêt de foirer. Sinon, c'est comme le gars qui est venu mixer hier soir, qu'on salue d'ailleurs. Ouais, François. Tu valses dehors. Ah, il s'en est bien sorti. Hein, ouais, c'était bien. Ouais. Bon. Et demain, tu me laisseras mixer un disque pour que je sois pas trop perdu samedi. Si tu veux, il n'y a aucun problème. Tu pourras toucher aux petits boutons qui sont un petit peu partout. De toute façon, il n'y a aucun problème. Il n'y a plus de tapis là? C'est quoi ce bordel? Non, parce qu'il est minuit. À minuit, ouais. Tout le monde s'arrête. Prévu, moi, je veux un tapis rouge pour dire au revoir. Un tapis. Alors, ce soir, justement, première partie, on enchaîne après le top horaire avec Bart Horn. Il y aura Marty et puis Jérôme B. Sans oublier. Non, je me trompe, excusez-moi. DJ Ice, Conny, DJM et Manhattan. C'est dans la merde. Pourtant, t'as mangé que de la pizza et bu que de l'eau tout au long de la soirée. Hein. Oui, c'est vrai. Mais tu m'as parlé assez près du visage, Hubert. Les émanations. Ça fait mal quand ça tombe. Donc ça, c'est espèce votre d'enflure, va. Ça c'est votre soirée. Je vais ce te soir. Tondre pendant 4 heures de mix. DJ Ice, Conny, DJM et puis Manhattan. C'est les résidents habituels que vous avez l'occasion de retrouver tous les jeudis soirs entre 21h et 1h du matin. Ouais. Un petit mot de la fin? Oui. Un petit peu d'anniversaire. Au revoir. Voilà, au revoir, tout simplement. Ouais. Est-ce que je peux faire une ours pour dire au revoir? Allez, vas-y. Poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum. Galaxy. Galaxy. Happy birthday. Galaxy fête ses 25 ans.